L'actualité à Nancy et ailleurs. Claudine Henry, bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente de Métiers d'art Métropole et vous organisez les 15 et 16 décembre Gare à l'art, salle Schepfer à l'hôtel de ville de Nancy. Et on va voir avec vous un peu en quoi consiste ce marché de Noël des métiers d'art. Avant ça, un mot sur Métiers d'art Métropole, qu'est-ce que c'est ? Alors, Métiers d'art Métropole, c'est trois boutiques d'artisans d'art à Nancy qui sont les Tatas Fringueuses, les Zinzolines et Mout et Pétula qui organisent avec la ville de Nancy toutes les manifestations autour des métiers d'art en partenariat avec la ville. Un collectif d'artisans donc, qui va porter ce rendez-vous, plusieurs rendez-vous donc, sur les festivités de la Saint-Nicolas, et particulièrement donc, ce rendez-vous des 15 et 16, Gare à l'art, donc oui. Salle Schepfer. C'est la première fois que vous organisez ce genre de rendez-vous ? Non, alors c'est un marché qui existe depuis plus de 10 ans, qui avait lieu jusqu'à maintenant dans la galerie Nancy Thermale. Donc beaucoup de gens l'identifient dans ce lieu-là. Malheureusement, cette galerie a fermé car il va y avoir les travaux à Nancy Thermale. Donc l'événement est déplacé au centre-ville. Donc c'est un point fort pour nous puisqu'il va avoir lieu dans les locaux de la mairie, tout près de la place Stanislas. C'est quand même un événement qui est connu déjà des Nancyens depuis plus de 10 ans. Voilà. Un nouveau lieu pour cette année. Donc, direction la salle Schepfer. Pour celles et ceux qui n'y seraient jamais allés, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce qu'on va pouvoir découvrir lors de ce week-end ? Alors, nous avons réuni cette année une trentaine d'artisans d'art qui vont vous proposer donc leur fabrication pour l'occasion des fêtes de Noël. Donc, vous allez avoir des créateurs de bijoux, de vêtements, un artisan du cuir, des verriers, des boules de Noël soufflés en verre, bien sûr, des potiers, la déco de Noël, du petit mobilier, des luminaires. On a essayé de représenter vraiment un maximum de métiers différents. Il y en a, je dirais, une dizaine différents. Il y a même un couple de créateurs de jouets en bois. Bref, on joue la carte du marché de Noël artisanal. Tout le monde y trouvera son compte lors de ce week-end. C'est ça. Combien d'exposants seront présents ? Donc, il y aura 30 exposants. Il y aura un petit salon de thé tenu par Cocotte Mascotte, qui est une pâtissière qui va vous proposer des gâteaux de Noël traditionnels. Vous pourrez emporter ou consommer sur place. Du vin chaud, du thé, une super ambiance chaleureuse. Est-ce que vous pouvez nous redonner les horaires de ce marché de Noël des 15 et 16 décembre ? Donc, ça sera le samedi et le dimanche de 10h à 19h. Donc, la salle Schepfer, on y a accès par l'arrière de la mairie de Nancy, rue Pierre Fourier. Voilà. Tout simplement, et l'entrée est libre. Bien sûr, entrée gratuite, pas de problème. On vous attend avec plein de belles choses. L'actualité à Nancy et ailleurs. C'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.